give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now, unify us, make us feel proud. Bonjour à tous et bienvenue pour le 12e podcast Football Riot. La Coupe du Monde avance à grands pas. Vendredi, on aura le droit déjà aux deux premiers quarts de finale. Ils ne sont plus que 8 donc en compétition. On a le Pays-Bas, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, le Ghana, l'Espagne, l'Uruguay et le Paraguay. Donc 4 pays d'Amérique du Sud, 3 européens et un seul d'Afrique, le Ghana. Aujourd'hui, avec Hugues Chavignon, 22 ans et iHugues sur Twitter. Salut Hugues. Oui, bonjour Albertine, bonjour Baptiste. Et Baptiste, comme d'habitude, qui est avec nous. Salut Baptiste, on le rappelle, tu tiens le blog journalsport.wordpress.com. Salut Albertine, salut à tous. Alors, on va commencer par le premier gros quart de finale donc, qui se jouera vendredi après-midi, qui opposera les Pays-Bas au Brésil. Donc l'équipe mise en place par Dunga impressionne depuis le début de la compétition. C'est de plus en plus un candidat sérieux au titre, voire même un des favoris largement. Elle impressionne notamment grâce à une solidité défensive assez énorme. Et elle a d'ailleurs réalisé quasiment un sans faute depuis le début de la compétition, à part un match nul face au Portugal, on se le rappelle, en phase de poule. Quel va être le principal atout pour vous des Pays-Bas pour basculer cette solidité? Je pense que ça réside en un seul joueur, et c'est Arjen Robben. Et je ne vois pas d'autre chose, vraiment d'autre atout qui pourrait faire gagner les Pays-Bas devant le Brésil, puisque je vois de toute façon le Brésil l'emporter, et assez facilement face à une équipe des Pays-Bas qui nous déçoit depuis le début. Disons qu'il y a une capacité d'organisation de jeu qui est quand même assez impressionnante. C'est vrai qu'ils pourraient éventuellement inquiéter le Brésil, même si honnêtement je ne les vois pas non plus vraiment inquiéter cette équipe du Brésil. Ils pourraient éventuellement les inquiéter en mettant de la vitesse, un petit peu de folie dans le jeu, qui leur a un petit peu manqué sur cette Coupe du Monde, ce qui fait pas normalement leur habitude. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même le Brésil en face qui est vraiment très costaud. Et malgré le fait que les Pays-Bas arrivent quand même vraiment en forme, puisqu'ils ont eu un match maîtrisé face à la Slovaquie, voilà, à part éventuellement cette vitesse, cette folie dans le jeu, je ne les vois pas vraiment bousculer le Brésil. Parce que donc vous voyez une victoire du Brésil, mais il faut rappeler quand même que les deux équipes ont encaissé uniquement 2 buts. Donc vous voyez forcément une victoire du Brésil et pas du tout, par exemple, un match qui pourrait être fermé, notamment grâce à la solidité défensive du Brésil et derrière face à l'organisation de jeu des Pays-Bas. Je crois pas. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un des quarts de finale où on peut... Malheureusement, ça a l'air d'être une grosse affiche, mais je pense pas que ça sera dans le jeu. Et je pense que le Brésil sera vraiment clairement au-dessus. Alors, moi, par contre, c'est un match quand même assez fermé. Deux équipes qui vont s'observer, je pense au moins jusqu'à la mi-temps. Et puis c'est vrai que je vois bien le match vraiment se débloquer complètement en première partie, deuxième mi-temps, sur un coup de génie plutôt brésilien évidemment. Alors, vous pensez que le principal danger des Pays-Bas peut venir de Robben? D'après vous, il peut absolument pas venir de Van Persie, parce que Van Persie, qui a quand même vraiment pas convaincu durant ses premiers matchs, il est titularisé en attaquant de pointe. Il affirme aimer titiller les défenseurs adverses et jouer en fait dans la défense adverse. Il a un faible rendement, donc comme j'ai dit, un seul but. Alors, il joue aussi attaquant avec Arsenal, mais bon, on sent que dans cette équipe des Pays-Bas, il n'est pas à sa place. Est-ce que d'après vous, le sélectionneur devrait le titulariser à un autre poste? Ou même carrément, au vu de ses dernières prestations, le laisser sur le banc pour ce match face au Brésil? Je trouve qu'il est un peu trop esselé devant. Que, par exemple, lui mettre un Kate juste à côté de lui, ça l'aiderait vraiment beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a un potentiel offensif qui est énorme du côté des Pays-Bas et beaucoup plus faible, je trouve, par contre, du côté du Brésil, qui joue après plutôt sur le milieu et la défense, qui sont des... À mon avis, c'est l'équipe qui a le milieu et la défense les plus fournies et la meilleure qualité de la Coupe. Mais là, il faudrait faire vraiment deux attaquants, parce que même si Van Persie déclare aimer être tout seul en pointe, etc., je pense que en match, on le voit assez souvent se plaindre, râler, et même, il n'arrive même pas à provoquer les fautes, etc. Donc je pense qu'il a quand même beaucoup de mal, et que Dirk Kuyt pourrait vraiment être l'associé rêvé, parce que c'est normalement, c'est lui l'attaquant de pointe de l'équipe. Mais c'est assez surprenant de mettre Van Persie, qui en plus revient d'une blessure, parce qu'il n'a pas pu jouer la plupart de la saison avec Arsenal, donc... C'est un pari qui est un peu, pour l'instant, qui est un peu raté. Oui, moi je suis vraiment d'accord aussi, parce que c'est vrai qu'il est assez esselé. Et c'est vrai que contrairement justement à ce qu'il peut dire, c'est vrai qu'on le voit vraiment sortir, enfin on le voit vraiment frustré pendant ses matchs. Ça s'est vu d'ailleurs contre la Slovaquie où quand il est sorti, il était assez frustré. Donc c'est vrai que la situation n'a pas l'air de lui convenir tant que ça. Alors est-ce que quand on voit le rendement des deux joueurs et leur Coupe du Monde pour l'instant, même si l'Angleterre est éliminée, un parallèle entre Van Persie et Rooney est possible? C'est un peu la même situation, sauf que quand même, Van Persie derrière lui, il y a Robben, il y a Schneider, il y a Kuyt, et ensuite il y a Van Bommel au milieu, et puis il y a un goal qui tient quand même pas mal la baraque, et une défense qui est assez imperméable, puisqu'elle n'a pas encaissé beaucoup de buts pour l'instant. Donc on dit que le Pays-Bas a quand même une organisation de jeu assez claire et assez bien faite quand même. Ils ne sont pris que deux buts pendant la compétition, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus quelques interrogations au sujet de cette défense, parce que leurs adversaires n'ont pas été non plus de gros caïfs, ça a peut-être joué en leur défaveur face au Brésil parce qu'ils ne sont pas préparés à ce genre de match. Ils ont joué contre le Japon, le Cameroun et le Danemark et la Slovaquie en 8e. Ils prennent notamment le Danemark en premier. Le Danemark, je trouve, a vraiment montré des belles choses, mais plutôt sur les derniers matchs. Les 45 premières minutes de Pays-Bas-Danemark, c'était assez intéressant puisque les Pays-Bas étaient très embêtés par l'équipe, par les Danois. Après, contre le Japon, ils ont dominé plutôt le match, même s'ils ont été inquiétés par l'équipe japonaise. Puis ils ont marqué sur un coup de fusil de Schneider, donc c'était pas non plus très... C'était pas un très grand match. Et contre le Cameroun, bah, c'était le dernier match déjà qualifié, parce qu'assuré d'être premier, et puis contre un Cameroun qui était plus que le fantôme de lui-même. Donc c'est un groupe plutôt facile. Après, ils sont tombés contre la Slovaquie en 8e. Le vrai test, c'est maintenant. Ça va être très dur parce que c'est le Brésil tout de suite, donc peut-être la meilleure équipe de la Coupe pour l'instant. Mais voilà, il faut, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faudra battre cette équipe pour continuer l'aventure. Je ne pense pas qu'ils en sont capables, et c'est peut-être le fait qu'ils soient tombés contre des adversaires plutôt faciles au début qui fait que maintenant ils ne seront peut-être pas super bien préparés, mais on ne peut pas savoir vraiment la réaction d'une équipe comme ça. Vraiment, enfin, d'accord sur ce point. C'est vrai qu'ils n'ont pas été confrontés à des équipes, disons, à des grosses équipes durant ce mondial. Là, ça va vraiment être la principale interrogation sur ce match. C'est vrai que je les vois quand même assez en difficulté face à cette équipe du Brésil qui, bon, certes, qui n'a pas énormément de folie dans le jeu, mais qui est quand même redoutablement efficace. Et c'est vrai qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur côté néerlandais. Alors, bon, on est d'accord, etc. Le Brésil par favori, notamment sur les gros matchs qu'on a vus avant. Leur dernier match a été très bien maîtrisé. Une victoire 3-0 face au Chili qui les a propulsés donc facilement en quart de finale. Une autre équipe d'Amérique du Sud d'ailleurs. Mais alors, imaginons sur un coup de génie, par exemple de Robben, les Pays-Bas accélèrent le jeu. Marc, est-ce que vous voyez le Brésil revenir tout de suite dans le match? Parce que les Brésiliens n'ont, pour l'instant, à la compétition, jamais été menés. Ça dépend quand ça va arriver. Enfin, c'est très important si ça arrive au début du match, plutôt vers le milieu, plutôt vers la fin, si c'est un temps fort de la Hollande ou un temps fort plutôt brésilien, si c'est à contre-courant du jeu. Maintenant, je pense que le Brésil ne va pas s'inquiéter plus que ça, puisqu'ils savent très bien qu'ils ont les capacités et l'effectif pour égaliser et l'emporter. Et c'est vrai que ce sera intéressant de voir la réaction, parce que ça leur est pas encore arrivé. On les a pas vus réagir, et on n'a pas vu vraiment cette équipe réagir, parce qu'à chaque fois, elle agissait plutôt qu'elle réagissait. Donc ça va être intéressant si ça arrive. Et si ça arrive, c'est bien, ouais, t'as raison, de Robben, et je pense pas d'autre chose. C'est vrai que c'est l'interrogation sur cette équipe. Mais je les vois quand même pas paniquer particulièrement. C'est vrai qu'ils ont quand même une organisation solide. C'est vrai que contrairement à il y a quelques années où ils auraient pu essayer d'enflammer le jeu sans vraiment y parvenir, disons que ça parte un petit peu dans tous les sens. Là, c'est vrai que je les vois quand même vraiment, vraiment très organisés grâce à la patte Dunga. Donc c'est vrai qu'on peut ne pas aimer ce style, mais c'est quand même vraiment très efficace. C'est une équipe qui sera difficile à déstabiliser, même s'il l'était. Je pense qu'il y a quand même assez de talent devant pour trouver l'ouverture à un moment ou à un autre. Donc, on va terminer par un petit coup de tactique. Donc, on sait que Eliano est forfait pour ce match. Eliano qui a quand même été une toute petite quand même révélation de ce mondial. Il marque deux buts, si je me souviens bien. Un face à la Corée du Nord et un face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, Dunga doit titulariser ensemble Alves et Maicon, alors que normalement c'est l'un remplace l'autre, l'autre remplace l'un, et c'est deux postes, enfin c'est un seul poste pour les deux, c'est-à-dire le latéral droit? Bah écoute, je trouve que mettre Mettre Daniel Alves au milieu, c'est un peu jouer les compliqués, parce que quand on sait ce qu'on a au milieu du côté de l'effectif brésilien, je trouve ça assez incroyable. Je pense que Ramirez a gagné sa place, clairement, vu le huitième qu'il a fait. Et je pense que ça sera plutôt la solution, s'il faut, ce serait ouais, donc mettre Gilberto Silva, Felipe Melo, Ramirez et Kaká au milieu. C'est vrai que Alves est quand même assez polyvalent, il pourrait tout à fait remplacer Lano. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs sur le banc qui sont peut-être plusieurs à le remplacer. Enfin, dans tous les cas, ça montre vraiment le confort dont dispose Dunga. C'est vrai qu'il y a une qualité de banc dont beaucoup pourraient rêver s'il se pose ces questions-là. On termine avec un pronostic, Baptiste. Donc, le Brésilien largement pour toi? Pas largement, mais je pense 2-1. Je vois 3-1 pour le Brésil. Je vois 2-0 pour ma part, but de Kaká et but de, par exemple, Robinho. On passe au deuxième match. On va peut-être avoir un peu moins à dire parce qu'on connaît certainement moins les deux équipes. Uruguay-Ghana, un quart de finale que l'on n'attendait absolument pas. L'Uruguay s'est défait de la Corée du Sud en 8e de finale et le Ghana des États-Unis. D'ailleurs, le Ghana n'était pas du tout donné vainqueur face aux États-Unis parce que les États-Unis étaient quand même, avaient une marge de progression assez, assez impressionnante. Le Ghana, d'ailleurs, qui arrive en quart de finale sans Essien, ça vous étonne? Oui, d'un côté, oui, parce que Essien, c'est un peu comme Eto'o et pour le Cameroun, comme Drogba et pour la Côte d'Ivoire, c'est l'ambassadeur. Mais il y a tellement de potentiel et de grands joueurs qu'on ne connaît pas forcément dans cette équipe. Ils sont arrivés en finale de la CAN cette année. Là, ils arrivent en quart de finale. Ils peuvent faire ce qu'une équipe africaine n'a jamais fait, c'est-à-dire aller plus loin qu'en quart en Coupe du Monde. Je pense vraiment qu'ils ont les capacités pour le faire. Mais l'Uruguay me fait peur d'un côté parce qu'ils peuvent être menés dans le jeu et réagir parce qu'ils aiment faire ça, ils jouent très très bas et ils réagissent après avec leur arme offensive, on les connaît bien parce qu'elles auraient pu nous faire mal et elles ont fait mal aux équipes de notre groupe, Forlan et j'ai oublié le nom du... Suarez. Voilà, Suarez. C'est ce qu'ils ont fait contre la Corée du Sud parce que la Corée du Sud pratiquait vraiment un football très intéressant, vraiment beau football, on l'a vu aussi avec le Japon, et ils réagissent et sans forcément mériter la victoire, au bout ils sont là, ils sont en quart de finale. Ils avaient d'ailleurs très bien maîtrisé leur match face à l'Afrique du Sud quand même, 3-0. C'est vrai qu'on pourrait vraiment faire le parallèle entre Eto'o, Drogba et Sien, mais c'est vrai que le Ghana, il y a quand même un jeu d'équipe qui est rodé, contrairement au Cameroun ou à la Côte d'Ivoire, il y a quand même certaines rigueurs tactiques. Le rapport qu'on ne retrouve pas forcément chez les équipes africaines. Voilà, il y a un mélange de puissance et de créativité offensive. C'est vrai que je pense que c'est vraiment ce qui fait la force du Ghana. Maintenant, il semblerait que Boateng joue demain. Mensa, par contre, sera suspendu. Donc, il faudra voir comment cette équipe va se comporter. Mais pour terminer, laquelle de ces deux équipes, pour vous, aurait le plus de moyens pour causer du souci aux vainqueurs de Pays-Bas-Brésil entre l'Uruguay et le Ghana? Ben, l'Uruguay a déjà rencontré le Brésil en phase éliminatoire. Donc, ça serait intéressant parce que nous, on ne les voit pas souvent jouer, mais eux se connaissent. Le Ghana peut se faire assez vite bouffer déjà par l'enjeu d'arriver en demi-finale, d'avoir la finale au bout du pied, d'être face à une équipe qui les fait bien courir, qui se sert très bien qui fait ce qu'elle sait faire. Je pense que l'Uruguay a plus les capacités dans un sens, mais physiquement, le Ghana, c'est monstrueux, c'est impressionnant, mais si on les prive juste de géants en attaque, je suis pas sûr qu'ils soient très très bons. Donc je dirais l'Uruguay. Oui, je vois vraiment l'Uruguay aussi poser plus de problèmes aux Brésiliens éventuellement en demi-finale. C'est vrai que ils ont une capacité offensive qui est parfois limitée, ils manquent un peu de volume de jeu. Ils ont quand même engrangé beaucoup de confiance durant cette Coupe du Monde. C'est vrai que les Ghanéens, ils auront la pression de cette demi-finale. Ça pourrait être historique, mais je les vois vraiment poser moins de soucis s'ils avaient rencontré le Brésil en demi-finale. Un pronostic, donc, comme je vous avais demandé pour Brésil-Pays-Bas, vous voyez le Brésil gagner. Cette fois, l'Uruguay gagne face au Ghana pour vous? Pour le symbole, j'aimerais beaucoup que le Ghana aille en demi. Pour ce qui est de la réalité, je dirais que l'Uruguay va l'emporter. Franchement, je verrais 2-1 aussi. Je verrais 2-0 pour l'Uruguay, même si c'est vrai que moi aussi, je pense comme beaucoup de monde, on aimerait voir le Ghana aller plus loin dans cette Coupe du Monde. De toute façon, même si le Ghana est éliminé, ils auront au moins le mérite de dire qu'ils auront été l'équipe africaine qui aurait été le plus loin dans cette Coupe du Monde. Le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup, Hugues, pour ta première intervention dans ce podcast. On espère te réinviter très bientôt. Merci à vous, c'était vraiment avec plaisir. On rappelle que Hugues Chavignon est donc présent sur Twitter avec le pseudo de iHugues. Et Baptiste de journalsport.wordpress.com, merci, qui nous fait le plaisir d'être avec nous à chaque podcast. Salut Baptiste et à demain. À demain. À demain donc pour un nouveau podcast où on parlera sûrement des matchs, pourquoi pas, qui se seront déroulés le jour même, ou des matchs à venir le samedi, c'est-à-dire les deux autres quarts de finale qui opposeront le gros match entre l'Argentine et l'Allemagne, qui sera une revanche de 2006, et l'Espagne au Paraguay. Merci à tous et à demain. Let's go to the beautiful.